بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue et on finit inshallah aujourd'hui l'explication de Naqd al-Islam al-Ashra, les 10 annulations de l'Islam, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-Naqd al-Tasi' من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. La neuvième annulation, la neuvième annulation de l'islam, celui qui croit que certaines personnes peuvent sortir de la sharia de Muhammad صلى الله عليه وسلم comme Al-Khidr a pu sortir de la sharia de Moussa alayhi salam, cette personne-là est un kafir. Explication Al-Sharh. وهذا الناقد ظاهر واضح والعياذ بالله وكفر معتقده أظهر من الشمس في وسط النهار والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا وأشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ولا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه. Cette annulation de l'islam est claire, qu'Allah nous en préserve. Et la mécréance de ceux qui croient cela est plus claire que le soleil en plein jour. Et les preuves de cette annulation dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement nombreuses et extrêmement connues. Et on ne peut les compter. Et cette annulation n'est cachée que pour une personne qu'Allah a aveuglée et à qui il a mis un sceau sur son corps. فمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج أي له أن يخرج عن شريعة محمد أو ظن الاستغناء عنها أو راغب عن الخروج عنها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. Donc toute personne qui pense qu'il peut sortir de la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a le droit d'en sortir, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il n'a pas à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui peut s'abstenir de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il peut se passer de sa sharia, celui-là il est sorti de l'islam. وهذا الناقد إنما يعتقده غلاة الصوفية وأشباههم الذين ضحك عليهم الشيطان وخدعهم وزين لهم سوء أعمالهم فأطاعوه واتبعوا أهواءهم فهم بجهلهم يجوزون لمن حصلت له بزعمهم مرتبة العلم والمعرفة الخروج عن الشريعة يسقطون عنه التكاليف وهذا كفر وخروج عن الإسلام. Et cette annulation elle concerne en particulier les extrémistes parmi les soufis, c'est-à-dire les soufis al-ghulah, les soufis extrémistes. Ceux que le shaitan a trompés et à qui il a embelli leurs mauvaises actions, ils l'ont obéi et ils ont suivi leur passion. Dans leur ignorance, ils pensent, ces soufis, que la personne qui a atteint un haut niveau de science et qui a atteint ce qu'ils appellent le wilaya, c'est-à-dire qui est un allié d'Allah, qui n'a plus besoin de faire les obéissances. Pour eux, il a atteint un niveau où il n'a même plus besoin, certains, de faire la salat. Il n'a plus à respecter les interdits, c'est-à-dire si tu le vois boire de l'alcool ou forniquer ou pire, il a atteint al-wilaya, ou ce qu'ils appellent martabat al-yaqin, la certitude. Et une fois qu'il a atteint la certitude selon eux, al-wilaya, c'est bon, il n'a plus besoin de faire. Cette croyance seule, c'est de la mécréance. Cette croyance seule, elle annule l'islam. Ici, je voudrais apporter votre attention sur une chose. C'est que j'ai mentionné roulat soufiyya, les extrémistes parmi les soufis. Comme si il y avait un soufisme entre guillemets modéré, on va dire entre guillemets islamique, et un soufisme extrémiste. Ça, c'est ce que disent certaines personnes. C'est ce que disent même certains ulama. On pourra apporter des exemples parmi eux, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, etc., etc. Et d'autres, parmi les ulama, et parmi les salafs, dès l'apparition du soufisme, d'autres considèrent que le soufisme en tant que tel, ce qu'on appelle al-tasawwuf en arabe, le soufisme, c'est dès la base une religion qui n'a plus rien à voir avec l'islam. Et certains rapportent d'ailleurs, dans leurs livres, c'est des références en arabe, Certains rapportent que le soufisme ou le mot soufi, c'est quelque chose qui existe déjà dans les anciennes religions de l'Inde. C'est-à-dire que tout simplement, le soufisme, c'est islamiser une croyance qui n'a rien à voir avec l'islam et qui est basée sur des piliers. Ces piliers, c'est quoi? Le fait de s'abstenir de manger, de s'abstenir de dormir, le fait de mendier. Et il y a d'autres aspects que je ne me rappelle pas maintenant. Ça, c'était présent chez les hindous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi l'hindouisme, il y a une catégorie de personnes qui en général sont sales, ont les cheveux, ne se coupent pas les cheveux et consomment des drogues. Et pour eux, c'est les ascètes parmi l'hindouisme, d'accord? C'est des gens qui dorment très peu, mangent très peu et s'abstiennent de la, entre guillemets, de la vie d'ici-bas. Même carrément, ils se baladent, on va dire, tout nus, les pieds nus, d'accord? Et en fait, le soufisme, c'est quoi? C'est des gens qui ont voulu islamiser cet aspect-là. C'est-à-dire, comme dans le chiisme ou dans d'autres choses, dans d'autres sectes, c'est quoi? C'est des éléments qui viennent des kofars à la base, et que des gens ont fait rentrer dans l'islam, en général par complot, et en général à la base, il y a très souvent des juifs et parfois des chrétiens, qui ont essayé de le faire rentrer pour détruire l'islam de l'intérieur. C'est ça le soufisme. Et d'ailleurs, lorsque le soufisme est apparu, la plupart des imams du soufisme, ils ont été condamnés pour zandaka, pour apostasie, pour hérétique. C'est-à-dire des gens qui sont en fait des hypocrites, des gens qui veulent détruire l'islam de l'intérieur. D'accord? Comme par exemple Al-Hallaj qui est un saint chez les soufis, qui est une personne qui a été condamnée à mort à son époque parce qu'il a prétendu qu'il était Al-Haq, qu'il était Allah. Non? Et il disait ma fil jubbati ghayr Allah. Il n'y a pas dans ce manteau en montrant lui si ce n'est Allah. C'est-à-dire, il croyait à l'incarnation d'Allah et qu'il était Allah en personne. Et etc. pour Ibn Arabi et d'autres. Donc, l'avis le plus juste, c'est que tout soufisme est un extrême, est une sortie de l'islam. Ça n'a rien à voir avec la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que je voulais dire, c'est que la faim, la soif, le fait de se priver de sommeil ou de s'abstenir du bien de ce monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils l'avaient déjà. C'était déjà quelque chose qu'ils avaient pris ailleurs et qu'ils ont essayé d'islamiser. En remplaçant la faim par le siyam, et entre autres le wasal, le fait de jeûner tout le temps, en remplaçant le fait de ne pas dormir par qiyam al-layl, soi-disant, ou en remplaçant le fait de soi-disant de ne pas s'habiller, de laisser la dunya, par soi-disant zuhd al-mashru', le fait de ne pas prêter d'importance à la dunya comme c'est dans l'islam, d'accord? Mais ils ont islamisé des notions, à la base c'était pas pour l'islam qu'ils faisaient ça. Comme le chiisme. Le chiisme, on sait très bien que c'est une croyance juive. Les juifs, ils croient que la prophétie et la sainteté, elle est dans la famille de Daoud, alayhi salam, dans la famille de David. Et c'est des juifs qui ont islamisé ça en disant que c'est dans la famille de Mohammed, par Ali, par Al-Hassan, par Al-Hussein. Mais là-bas, c'est une croyance qui n'a rien à voir avec l'islam. D'accord? De même, Al-Qadar, il a été, la croyance, le fait de renier le destin et la prédestination, il a été introduit par une personne qui a étudié avec un chrétien. Ça vient du christianisme. De même, Al-Irja, le fait de faire sortir les actes de la foi, ça a été, comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans le sunnah de l'Al-Irja, il dit, Al-Irja, shu'batu min al-Nasraniyya, c'est une branche du christianisme. Et on voit l'Irja qui est déjà présente dans les épîtres de Paul, à la fin de l'évangile. Quand il leur dit, c'est pas important. Les actes, suivre une loi, c'est pas important. Seule la foi vous sauvera. Seule la foi vous sauvera. C'est exactement ce qu'ils disent, Al-Murji'a, seule la foi du cœur te sauvera et tu iras au paradis. D'accord? Toutes ces croyances-là, elles ont été introduites dans l'islam pour le détruire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut que le muslim, al-muwahhid al-sunni, il prenne bien conscience des complots des ennemis de l'islam. Et que les complots de l'ennemi de l'islam, c'est pas comme y pensent certaines personnes, comme les gens politiques, qui sont politisés, entre guillemets, que ça a très juste au pétrole, genre les ennemis de l'islam, ils veulent voler le pétrole des musulmans, ou ils veulent, entre guillemets, occuper la Palestine, le sionisme, tout ça. Ça, c'est bien beau. Mais les ennemis de l'islam, en fait, ce qu'ils veulent, c'est détruire l'aqida des musulmans. Ils veulent détruire l'aqida. Et ils veulent introduire dans leur aqida et dans leur croyance et dans leur tawhid les choses qui l'annulent ou qui les rendent mécréants. Et on le voit à notre époque, cette chose-là, comme vous le voyez, ils ont essayé d'islamiser des notions qui n'avaient rien à voir avec l'islam, à travers le soufisme, on a l'exemple du soufisme, l'exemple de Shia, l'exemple de Qadariya, ce qui renie le destin et la prédestination, ou l'exemple, par exemple, de Murji'a. De même, à notre époque, et encore pire, ceux qui veulent islamiser des notions qui n'ont rien à voir avec l'islam, comme la démocratie, par exemple. Hein? En disant que la démocratie, c'est quoi? C'est la Shura. La Shura, c'est quoi? Comme Allah, il parle de la Shura, c'est la consultation. C'est-à-dire que l'émir, que ce soit émir al-Mu'minin ou l'émir d'un endroit ou quoi que ce soit, quand il parle avec ses gens, il les consulte. Il les consulte, il fait Shura, d'accord? Et c'est mustahab, c'est préférable qu'il fasse cela. C'est pas une obligation pour lui, mais c'est mustahab. Ben eux, ils disent que cette consultation-là, c'est la démocratie. Est-ce que c'est pareil? Bien sûr que non, c'est pas pareil, c'est un tel bis. Ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est donner à l'homme le droit de légiférer. Alors que la Shura, c'est quoi? C'est juste que l'émir, il prend pas ses décisions tout seul, il prend le il consulte, et il consulte pas n'importe qui. Il consulte l'ulama, talabat al-ilm, pour les affaires militaires, il concerne ceux qui connaissent les affaires militaires, etc., etc., pour toute affaire médicale, les médecins, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils essayent d'islamiser des notions, et d'y trouver après des hadiths. À notre époque, même s'il y a des petites divergences sur la question, c'est les questions, par exemple, des manifestations et de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde arabe. D'accord? Que ça plaise ou pas, les manifestations, les grèves, etc., ça vient des ennemis de l'islam. Ça vient des ennemis de l'islam. Et c'est quelque chose qui est dans une culture démocratique. En France, ils te disent la démocratie, c'est pas seulement les élections, c'est aussi les manifestations, les grèves. C'est un droit démocratique. D'accord? Et ils cherchent à l'islamiser à notre époque en disant, voilà, c'est une manière de changer de hukam, quoi que ce soit. Non, c'est pas une manière de changer le hukam dans l'islam. Dans l'islam, si le hakim est musulman, même s'il fait du dhulm, tu patientes, t'écoutes et t'obéis, sauf s'il t'ordonne de désobéir à Allah. Dans ce cas-là, tu lui obéis pas. Et si le hakim devient kafir, qu'est-ce que tu fais? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sauf si vous voyez une mécréance évidente, c'est-à-dire dans ce cas-là, combattez-le. Hein, c'est le qital. On combat n'importe qui parmi les kuffars, surtout si le gouverneur devient mécréant. D'accord? Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de grève générale, il n'y a pas d'élection, non. C'est soit on lui obéit et on patiente, soit on le combat. D'accord? Il n'y a pas de juste milieu. C'est ça, l'islam, il est venu avec ça. Excusez-moi un peu ce développement, mais c'est pour montrer les notions non islamiques qui sont rentrées dans l'islam. Pareil, à notre époque, il parle de muqawama, de résistance. Hein? Par exemple, il parle de muqawama al-Falastiniya, la résistance palestinienne. Pourquoi il parle de Muqawama? La résistance palestinienne, il y avait une résistance en France, par exemple, contre les nazis, d'accord? Il y a une résistance ou des guerres en Amérique latine contre les gouvernements, etc., etc. Et ils veulent remplacer le mot djihad par le mot Muqawama. Pourquoi? Pour faire oublier aux musulmans que le djihad, c'est un devoir religieux. C'est quelque chose qui est lié à leur tawhid, à leur aqidah, c'est quelque chose qui est lié à l'wala, l'albara, etc., etc. D'accord? Aujourd'hui, ils veulent islamiser, par exemple, le fait que tu sois dans une terre de kofre, que les musulmans soient dans des terres de kofre. Malheureusement, il y en a qui se sont convertis, c'est pas pareil, mais il y en a, c'est leur père ou leur grand-père qui ont quitté leur pays, qui étaient des pays quand même où il y avait l'islam, et qui sont venus dans des terres de kofre. Pour la dunya. Faut pas se leurrer, ils sont pas venus pour faire da'wah aux gens, c'est faux ça, ils sont venus pour la dunya, pour le pain. Et ils veulent islamiser ça maintenant, après coup, en disant, non, nous on est là pour la da'wah, c'est dar da'wah, quoi que ce soit. C'est pas une terre, vous êtes pas venus pour ça, et vos parents ils sont pas venus pour ça. Et ces terres-là, vous devez les quitter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sunan Abi Daoud, bisnadin sahih, un abali, un mikuli muslim, yuqimu bayna al mushrikin. Je me désavoue de tout muslim qui vit au milieu des mushrikins. C'est pas islamique d'être en France. Ça sera jamais islamique. Vous aurez beau construire toutes les mosquées que vous voulez, ou les écoles, ou les boucheries halal, ou quoi que ce soit, ça restera qu'on sera tous dans le péché si on a la capacité de partir de ces terres, pour celui qui en a la capacité, et qui ne le fait pas. C'est pas islamique. On revient sur l'annulation de l'islam. Donc voilà, le soufia, c'est ça qu'il pense. El-Kafara, comme quoi, la personne qui atteint le niveau de l'wilaya, où il est un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut sortir de la sharia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et on trouve dans certains de leurs livres, comme Tawaqat al-Awliya, de Sha'arani, comme quoi al-Wali, c'est une personne qui marche tout nu devant les gens, qui urine devant les gens, qui pratique la fornication, pire même la pédophilie, l'homosexualité, etc., etc. Et malgré tout, cette personne-là, c'est un wali. Et il en parle comme étant un wali. Pourquoi? Parce que pour eux, il a atteint un niveau de wilaya, de proximité d'Allah, qui l'exempte de faire les obligations, de s'abstenir des interdictions. Wa hadha kufrun billahi al-azim. C'est de la mécréance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et ça c'est dans sourate Al-A'raf, le verset 158. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Que soit béni celui qui a fait descendre le Furqan, le discernement, tufarriquna bihi bayn al-haqq wal-batil, vous pourrez faire la différence entre le faux et le mensonge. Il l'a fait descendre sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour tous les univers. Il a fait descendre le Coran sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il avertisse toute l'humanité. C'est le premier verset de sourate al-Furqan. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit à propos des autres prophètes, quant à chaque prophète était envoyé à son peuple en particulier, quant à moi j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et c'est ça la différence entre Moussa عليه السلام et le Khidr qui ne l'a pas suivi à la fin de Surat al-Kahf, l'histoire à la fin de Surat al-Kahf. Pourquoi? Parce que Moussa, il avait été envoyé pour qui? Pour Bani Israël. Il avait été envoyé pour Bani Israël. Quant à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Personne ne peut venir nous dire, Muhammad aujourd'hui, c'est pour les Arabes, ou c'est pour un Qawm, ou c'est pour un Qawm, ou c'est pour les gens. Non. Muhammad, il a été envoyé à toute l'humanité. La dixième annulation, الناقض العاشر الإعراض عن الله تعالى لا تعلمه ولا عمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. La dixième annulation de l'islam, le fait de se détourner de la religion d'Allah تعالى, le fait de se détourner de la religion d'Allah, الإعراض. Et ensuite, il a cité deux points. La yata'allamuhu, il ne l'apprend pas. Wa la ya'malu bi, et il n'agit pas selon elle. On va détailler ces deux points. Donc ici, al-i'rad, le fait de se détourner de la religion d'Allah, c'est une forme de mécréance. Et c'est une annulation de l'islam. Et il a cité deux aspects. La yata'allamuhu, il ne l'apprend pas. Est-ce que le fait de ne pas apprendre le din, ça fait sortir de l'islam? Et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on le délaisse, on en délaisse l'apprentissage, ça fait sortir du din? Qala al-Sheikh Sulayman ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, al-insanu la yakfuru illa bil-i'rad an ta'allumi al-asl alladhi yadkhulu bihi al-insanu fi al-islam. Fi al-durar al-saniyya al-mujaddad al-ashir, safha 73 wa 400. Le Sheikh Sulayman ibn Sahman, parmi les savants du Najd, dit, la personne ne devient pas mécréant si ce n'est s'il se détourne de l'apprentissage de la base qui fait rentrer dans l'islam. Vous avez compris? Ça veut dire, ça c'est dans Dorar al-Saniyya, le volume 10, la page 473. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui rend mécréant, c'est de ne pas apprendre la base du tawhid. Si la personne n'apprend pas la ilaha illallah, le tawhid à la base qui le rend musulman, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, le fait de mécréant au tarot et d'avoir foi à Allah, ce qu'on appelle asl al-din, la base du din. Si la personne n'apprend pas ça, c'est de la mécréance en lui-même. D'accord? C'est ce qu'il a appelé le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-I'rad. Kufr al-I'rad. C'est ça qui fait sortir de l'islam. Le fait de ne pas apprendre asl al-din. والجهل بالتوحيد هو الذي اوقع الناس والذي اوقع الناس في الشرك. Et le fait d'ignorer le tawhid, ça veut dire d'ignorer cette base de din, c'est ça qui a fait tomber les gens dans le shirk. Et on en a parlé lors de l'introduction sur l'iman ou le kufr qu'on a fait au début de ces doros, des annulations de l'islam. Et on voit que le premier shirk qui est arrivé sur terre, sa cause, c'est quoi? C'est l'ignorance. Ali ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب ببعد ما بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل أما سواع كانت لهذيل أما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند السبأ أما يعوق فكانت لهمدان أما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابها وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ابن عباس رضي الله عنهما ils expliquent le premier shirk qui est arrivé sur la terre. Et on sait que c'est dans le peuple de qui? De Nouh, le premier shirk, il est arrivé dans le peuple de Nouh. Et il a dit que les idoles qui étaient adorées à l'époque de Nouh, elles ont été adorées ensuite par les Arabes à l'époque de, avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc au début de sa mission. Et il cite les endroits en disant what, à quel endroit, on fait un résumé, et il explique c'était quoi. Il dit, c'était le nom d'homme pieux parmi le peuple de Nouh. Quand ils sont morts, le shaitan a révélé aux gens, il a inspiré aux gens, à leur peuple, de mettre à l'endroit où ils s'asseyaient des ansab, des pierres et des statues, pour se rappeler leur adoration. C'est ça le premier stade. Donc on voit que le, comment ça s'appelle, que shirk, sababuhu, on a les causes de shirk ici, c'est quoi? Le premier, le fait d'exagérer sur les pieux. D'accord? Shaitan, il les a fait exagérer sur les hommes pieux. Et le deuxième, c'est le fait de faire des images, at-taswir, qui englobe toutes les images. Ça englobe toutes les images. La sculpture, la peinture, la photographie, et même l'image vidéo. C'est la cause, ça fait partie des causes du shirk. D'accord? Ils ont fait, le premier stade, c'est ça. Il a dit, fa'alu falam tu'bad. Ils ont fait cela. Ils ont mis des images à l'endroit où ils s'asseyaient. D'accord? À l'endroit où ils s'asseyaient pour se rappeler leur adoration. Ils ont fait cela et elles n'ont pas été adorées. Dans la première génération, ces idoles-là, ces statues qui ont été faites, elles n'ont pas été adorées. Hatta, idha halaka ulaik, jusqu'à ce que cette génération meure. Et que la science a été oubliée, elles ont été adorées. Vous avez compris? Ça veut dire ici, la cause du shirk, c'est d'abord le fait d'exagérer sur les pieux. Deuxième stade, on fait leur image. Troisième stade, la science a été oubliée, et elles ont été adorées en dehors d'Allah. Donc ici, les causes du shirk, c'est le ghulou fi salihin wa taswir wa al jahl bil tawhid. Le fait d'exagérer sur les pieux, hein. Deuxièmement, le fait de faire des images. Troisièmement, l'ignorance du tawhid. Cette histoire-là, elle est citée dans Kitab al tawhid de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est un des meilleurs livres, un des livres les plus détaillés, surtout avec ses commentaires, Taysir al-Aziz al-Hamid, Fath al-Majid, et d'autres, comme Qurrat al-Uyun al-Muahidin, qui est un livre les plus détaillés sur le tawhid et l'adoration d'Allah. Et il cite ce hadith dans le chapitre sur les ghulouf al-Salihin. Et le Cheikh Sulaiman, il dit, en explication de cette partie, il dit, rahimahullah, وفي فوائد هذه القصة مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام في التيسير 13,300. Il y a dans cette histoire le mal du suivi aveugle. Le suivi aveugle, le fait de suivre aveuglément. Ici, ils ont suivi aveuglément qui? Les gens qui leur ont inspiré ces choses-là ou qui ont fait ces choses-là. Et comme quoi, ça les a amenés à sortir de l'islam. À la fin, ce taqlid, il les a amenés quoi? À sortir de l'islam. Et le taqlid, le fait de suivre un règlement, c'est une des aspects de l'ignorance. C'est l'un des aspects de l'ignorance. Car en effet, le taqlid ne suit aveuglément qu'un ignorant. La yuqallid illa jahil. Wa idha kanu al-i'radu an ta'allum at-tawhid kufra, fa kayfa akunu al-jahlu 'udran fi ash-shirk al-akbar? Et ici, si on établit que le fait de se détourner de l'apprentissage du tawhid, c'est de la mécréance à lui-même, comment l'ignorance peut être une excuse dans le fait de commettre le shirk? C'est pas possible. Vous comprenez? C'est une contradiction. Si on dit l'i'rad, c'est du kufr, et qu'on dit après, ouais, mais celui qui est ignorant, on dit pas qu'il est mushrik, c'est une contradiction totale, c'est un tanaqud. Et les ulama, ils ont pas dit ça. Et, alhamdulillah, il n'y a pas de preuve dans le Coran ou dans la sunna, au contraire d'ailleurs, que l'ignorance, c'est une excuse dans ces questions-là, dans les questions liées au tawhid et au shirk, ou dans l'annulation de ce qu'on appelle asluddin, la base du din. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الكافر من جحد توحيد الله أو كذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد في طريق الهجرتين صفحة 90 و 300. ابن القيم رحمه الله il dit dans son livre طريق الهجرتين الكافر le mécréant c'est qui? C'est celui qui a renié le tawhid d'Allah comme étant le shirk. جحد توحيد الله بفعل الشرك وَكَذَّبَ رَسُولَهُ ou qui a démenti son messager. إِمَّا عِنَادًا soit en rébellion. L'inad, c'est quoi? C'est que la preuve lui est venue qu'il l'a rejeté. Hein? La preuve lui est venue, il l'a rejeté. Ça, c'est le premier aspect. C'est soit par inad, أَوْ جَهَلًا وَتَقْلِيدًا لِأَهْلِ الْعِنَادِ ou parce qu'il a, ou par ignorance, et en suivant aveuglément les gens de la rébellion. D'accord? Ça veut dire la mécréance, c'est ces deux aspects. Soit c'est les personnes rebelles, il vient le délit et il le rejette, soit c'est des personnes qui sont ignorants et qui suivent aveuglément, entre guillemets, les rebelles, c'est-à-dire c'est qui ici, Ahl al-Inad, c'est soit l'Ahbar ou l'Rahban, ou ulama al-Su ou ulama al-Shirk. C'est soit les moines et les rabbins, pour les juifs et les chrétiens, soit les savants du Shirk et les savants du mal pour les musulmans, ce qui les incite au Shirk. Il y a le fait d'affirmer que le principe de l'absence de l'excuse de l'ignorance dans le shirk akbar, il y a de nombreuses preuves dans le livre d'Allah, dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et même dans l'ijma'. Il y a des ijma'at sur ces questions-là. Et la plupart, ces questions-là, on les a déjà traitées de manière résumée. On a déjà établi que l'ilm, la science, ou al-ma'rifa, la connaissance du tawhid, c'est la première condition de la ilaha illallah. On a déjà vu ça dans l'usul al-thalatha et au début de ces durus. Et que celui qui commet le shirk, il a délaissé le tawhid. Man fa'ala shirk faqad taraka al-tawhid. Qala Allah ta'ala, wa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Dans surat al-taghabun, le verset 2, Allah il dit, azza wa jal, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a le kafir, et parmi vous, il y a le mu'min. Le verset 2 de surat al-Tahab. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intermédiaire entre le mu'ahid et le mushrik. Le Cheikh Abdelrahman ibn Hassan, il dit, rahimahullah, فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ الشِّرْكَ فَقَدْ تَرَكَ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُمَا ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فَمَتَا وُجِدَ الشِّرْكِ انْتَفَى التَّوْحِيدِ في شرح أصل الدين c'est majoua de tawhid. Cheikh Abd al-Rahman al-Hassan dit, celui qui commet le shirk, il a délaissé le tawhid. L'islam, c'est quoi? C'est le tawhid. Donc celui qui a commis le shirk al-akbar, il a délaissé le tawhid. Il n'est plus sûr à l'islam, qu'il soit ignorant, savant, etc. Car ils sont deux contraires qui ne se rencontrent jamais. Lorsque le shirk est présent, le tawhid disparaît. Et on a cité, et c'est l'un des plus grands délits, que la cause du shirk aslan, la cause du shirk, du premier shirk qu'il y a eu sur la terre, ce qu'on vient de voir chez le peuple de Nuh, c'est ces trois causes qu'on a citées. Al-ghulu fi s-salihin wa at-taswir wa al-jahl bi at-tawhid. Exagérer sur les pieux, faire leur image, représenter leur image, Et la troisième chose, l'ignorance du tawhid. Et parmi l'ijma', il y a de nombreuses ijma', parmi lesquelles celle qu'a cité le cheikh Abdallah ibn Abdurrahman Abu Batin, rahimahullah, lorsqu'il dit Ajma' al-Muslimuna ala kufri man lam yukaffir al-Yahuda wa al-Nasara, ou yashuku fi kufrihim, wa nahnu natayakkanu anna aktharahum juhal. في الدرة الثانية المجلد الثاني عشر صفحة 69 وهي رسالة الانتصار الشيخ عبد الله عبد الرحمن أبو بطين parmi les savants du Najd dit les muslims sont unanimes, il n'y a pas de divergence sur ça, sur la mécréance de celui qui ne rend pas mécréants les juifs et les chrétiens ou qui doute de leur mécréance. Celui qui dit les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants, il y a unanimité comme quoi les mécréants, et on l'a déjà vu ça dans la troisième annulation de l'islam. Et il dit ensuite, et nous avons la certitude que la plupart d'entre eux sont des ignorants. Et ça, c'est dans le Dora al-Sani, le volume 12, à page 69. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que, un, celui qui rend pas mécréant les juifs et les chrétiens, c'est un kafir. Deuxièmement, on a la certitude que les juifs et les chrétiens, c'est des ignorants, la plupart. Ils connaissent même pas leur dîn. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça les exempte, ça nous exempte de les rendre mécréants? Non. Parce que celui qui s'abstient de les rendre mécréants, c'est lui-même un kafir. Et ça implique cette chose-là, que al-aziriya, les gens qui parlent, qui tout le temps parlent de l'udhr bil-jahl, l'ignorance, l'excuse de l'ignorance, leur parole, elle implique, on ne dit pas que c'est leur parole, mais leur parole, elle implique, lazim qawlihim, adam takfir al-juhal, mais al-yahud wa al-nasara. Ça implique qu'ils ne rendent pas mécréants les ignorants parmi les juifs et les chrétiens. Et ça, c'est du kufr. Parmi les ijma', il y a quelque chose que les ulama appellent ahl al-fatra. Ahl al-fatra, c'est les gens qui ont quoi? À qui il n'est jamais parvenu l'information qu'il y avait un prophète qui s'appelait Mohammed, par exemple. Ou les personnes, c'est le premier sens, les personnes qui quoi? Qui vivent entre deux prophètes. Par exemple, les gens qui vivaient entre Isa alayhi salam et entre Mohammed sallallahu alayhi salam. Ce qu'on appelle ahl al-fatra. Ces gens-là, s'ils meurent, alors qu'ils sont dans une totale ignorance, c'est bien plus grave que les gens qui adorent les tombes à notre époque et qui ne savent pas, soi-disant, que c'est du shirk akbar, d'accord? Et malgré cela, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce n'est pas des musulmans, c'est des gens qui n'ont pas suivi aucun prophète. Certains, ils sont tombés dans le shirk, d'accord? Il y a ijma' sur cette question-là. Comme il dit le shirk Ishaq ibn Abd al-Rahman, il dit, rahimahullah, bal inna ahl al-fitrati alladhina lam tablughum al-risala wal-Qur'an wa matu ala al-jahiliya la yusammuna muslimina bil-ijma'. ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعظيمهم في الآخرة. Comme quoi, il dit, les gens de la fatra, les gens qui n'ont jamais reçu la preuve, à qui il n'est pas parvenu le message ni le Coran, et qui sont morts dans la jahiliya, on ne les appelle pas muslimines, à l'unanimité. C'est-à-dire qu'ils sont des kofars. On dit qu'ils sont des kofars à l'unanimité, des mouchriquins. Et on ne demande pas à Allah pardon pour eux. Et il y a divergence sur est-ce qu'ils seront châtiés dans l'au-delà ou pas, parce qu'ils n'ont pas reçu le message. D'accord? Ça, c'est dans le Hukm Takfir al-Mu'ayyan, à la page 16. Donc, il y a de nombreuses preuves parmi le Coran, le Sunna et l'Ijma', on a cité quelques-unes précédemment, comme quoi l'ignorance n'est pas une excuse dans le shirk et dans al-masa'il, ce qu'on appelle al-masa'il al-dhahira. Comme il dit al-Sam'ani, dans Tathir al-I'tiqad, il dit, فإن قلتهم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد. الصنعاني يقول في une petite épître qu'on a déjà cité, la purification de la croyance, quand il y a l'i'tiqad, il dit, si tu me dis que les gens qui associent à Allah sont ignorants, nous répondons que les fuqaha dans les livres de fiqh, les savants du fiqh dans leurs livres de jurisprudence au chapitre de l'apostat ont dit que celui qui prononce une parole de mécréance devient mécréant même s'il n'a pas l'intention de sortir de l'islam. Et ça, c'est la preuve qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire les gens qui font du shirk, connu la réalité de l'islam et la réalité du tawhid. Ça, c'est dans le l'i'tiqad, et c'est dans عقيدة الموحدين على باش 157. Nombreuses paroles de Ulema parmi les paroles de Ibn Qayyim, etc. Les versets sont clairs qu'Allah il nous parle du Coran, des kuffars, pardon, dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Par exemple, parmi les versets les plus clairs sur cette question-là, dans Surat al-A'raf, il dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dans Surat al-A'raf, verset 179, Allah nous dit à propos des kuffars, et nous avons préparé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Et il nous les décrit après, il dit quoi? Ce qui signifie, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Billahi alaykoum. Vous trouvez plus ignorant que celui-là? Il y a plus ignorant que cette personne-là? Il a un cœur, mais il comprend pas. Il a des yeux, mais il voit pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. C'est le maximum de l'ignorance. On est d'accord avec moi? Et Allah, il a dit qu'il les a préparés pour quoi, cela? Pour Jahannam. Il dit, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Ils sont comme des bêtes, mais ils sont encore plus égarés. C'est pas de l'ignorance, hein, billahi alaykoum. L'ignorance des bêtes, encore pire. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Et ceux-là sont الْغَافِلُونَ, comment on pourrait dire? Dans le sens, ceux-là sont inattentifs, ceux-là sont, ils n'ont pas, ils sont dans une rafle. C'est le verset 119 de Surat al-A'raf. Donc ici, c'est clair que le Coran, il nous montre bien que ces gens-là, malgré leur ignorance, il les a préparés pour l'enfer. Mais comme il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au début du Mufid al-Mustafid, le fait qu'ils ne comprennent pas le Tawhid, le fait qu'ils ne comprennent pas et qu'ils l'ignorent, c'est déjà une preuve qu'Allah, il a voulu leur égarement. Oui. Et c'est déjà une preuve qu'Allah, il les a destinés pourquoi? Pour Nar Jahannam. Donc si Allah il te prédestine déjà d'étudier le tawhid, de lire les livres de tawhid et ensuite d'agir selon ce tawhid, c'est qu'Allah il t'a voulu du bien. Quant à la personne à qui Allah l'a rendu ignorant du tawhid et qui en plus commet le shirk al-akbar, c'est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui avait prédestiné l'enfer, comme Allah il dit subhanahu wa ta'ala وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Si Allah avait eu du bien en eux, si Allah avait vu du bien en eux, avant qu'il les crée, hein, quand il a créé l'Adam, et qu'il a créé sa descendance, et qu'il a décidé que sur 1999 était en enfer, quand si Allah il avait vu du bien en eux, à ce moment-là, il les aurait guidés vers le Tawhid et vers le Huda. Et les aurait pas laissés dans Az-Zulumat. Le deuxième aspect dont il a parlé dans ce naqd, dans cette annulation, la ya'malu bih. Celui qui se détourne de la religion d'Allah, la ya'ta'allamuhu, il ne l'apprend pas, wa la ya'malu bih, et il n'agit pas selon elle. Wa tarku al-'amali bit-tawhid kufrun 'inda ahli as-sunnah wal jama'ah khilafan lil-murji'ati wal jahmiyyah. Et le fait de délaisser, le fait d'agir par le tawhid, les actes du tawhid et de la mécréance chez les gens de la sunna et de jama'a en opposition au murji'a et au jahmiya. Les preuves du Coran, elles sont très très nombreuses sur ça. Ne serait-ce que le sens de l'ibad. Qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Est-ce que l'adoration c'est que dans le cœur? Absolument pas. Ici, l'ibad a beaucoup de salaf sont expliqués par at-ta'a, l'obéissance. D'accord? L'obéissance et les actes aussi. Et il y a ijma'a sur cette question-là, comme l'a dit al-Shafi'i, Shah al-Sunnati wa al-Jama'a, wa ka, qala al-Shafi'i, kana al-ijma'u min al-Sahabati wa al-Tabi'ina wa min ba'dihim, mimman adraknahum, anna al-Imana, qawlun wa amal, wa niyya, la yujzi'u wahidu min al-Thalathati bil-Akhar, rawahu al-Lalaka'i, رقم 93 و500 و1000 بعد الالف. الشافعي دي رحمه الله il y a unanimité des compagnons et des tabi'in, c'est-à-dire les suivants et ceux qui sont venus après eux parmi ceux que nous avons rencontrés. C'est Shafi'i qui dit ça, c'est-à-dire les imams, les tabi'in. Comme quoi la foi est parole et acte, parole, acte et intention. et que l'un de ces trois n'est pas valable sans l'autre. Donc il faut forcément les trois, que la personne, elle, prononce le témoignage par sa langue, tout en croyant fermement par son cœur, tout en agissant fermement par ses membres, en agissant par ses membres, pour qu'il ait la foi, pour qu'il ait l'iman. قال ابن تيمية في الإيمان الأوسط ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. المجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 11600. ابن تيمية رحمه الله il a dit, il est impossible que la personne ait la foi ferme dans son cœur qu'Allah a rendu obligatoire la salat, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, et qu'il passe toute sa vie sans se prosterner devant Allah une seule fois, qu'il ne jeûne pas Ramadan et qui ne donne pas pour Allah sa zakat. Il est impossible que la personne ait la foi ferme dans son cœur qu'Allah a rendu obligatoire la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, et qu'il passe toute sa vie sans se prosterner devant Allah une seule prosternation, sans jeûner pendant Ramadan, ou sans donner la zakat, ou sans faire le pèlerinage vers sa maison. هذا ممتنع, ceci est impossible, et cela ne peut arriver que si la personne a de l'hypocrisie dans son cœur, et de la zendaka, de l'hérésie, de l'apostasie, de l'hypocrisie. La ma'iman in sahih, pas avec une foi authentique. Nas'Allah, yarzuqana imanan sahiha, wa yahfadana min al-nifaq wa zendaka. On demande à Allah qu'il nous donne une foi authentique, qu'il nous préserve de l'hypocrisie, et de la zendaka, de l'apostasie. Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 7, la partie 111. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il nous dit que c'est impossible, mumtani', wa huwa mumtani'un 'aqlan wa shar'a, par la raison et par la législation d'Allah. Il est impossible qu'une personne, il se dise croyant qu'il est soi-disant l'iman, la foi, sans avoir les actes des membres. C'est pas possible. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, il conclut son épître en disant voilà farqa fi jami'a hadi fi jami'i hadihi bayna al hazil wal jadd wal khaif illa al mukrah. Il conclut en disant il n'y a pas de différence dans toutes ces annulations, il n'y a pas de différence dans toutes ces adorations, ces annulations, entre celui qui les commet en plaisantant ou en étant sérieux, ou en ayant peur. D'ailleurs, toutes ces choses-là, ce n'est pas une excuse. Qu'il fasse une de ces annulations qu'on vient de citer sous l'effet de la plaisanterie ou l'inattention, qu'il soit sérieux ou qu'il ait peur, illa al-mukrah, sauf celui qui est sous la contrainte. C'est-à-dire le seul qui est excusé dans ces annulations de l'islam, c'est celui qui est sous la contrainte. Al-mukrah. Et la contrainte, ça s'appelle al-ikrah. Al-ikrah. Ici, vous remarquerez qu'il n'a pas cité l'ignorant. Et ça ne lui est même pas, entre guillemets, passé par la tête au cheikh. Comme quoi, quelqu'un pouvait dire que l'ignorance pouvait excuser une des annulations qu'on a citées précédemment. C'est une grande preuve que le cheikh Mohammed, même s'il a un livre particulièrement sur cette question-là, Mufid al-Mustafid, fi kufri tark al-tawhid, qu'il ne voit pas l'excuse de l'ignorance dans le shirk, dans les annulations claires de l'islam, comme lui attribuent mensongèrement les innovateurs à notre époque. La preuve de la contrainte, si on va parler de la contrainte et développer un peu ce point, c'est un point important. La contrainte. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, قال الله تعالى, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Dans Surat al-Nahl, les abeilles, le verset 106, Allah a dit ce qui signifie. Celui à qui a mécru en Allah après avoir eu la foi. Sauf celui qui était sous la contrainte et dont le cœur était plein de la sérénité de la foi. Quant à celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance, quant à ceux, pardon, qui ont ouvert leur poitrine à la mécréance, ils auront la colère d'Allah et un châtiment. Cela, ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Cela, car ils ont préféré la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Et qu'Allah ne quitte pas le peuple mécréant, les gens mécréants. Et cela, on va l'expliquer, inshallah. La première partie, il a montré à Allah Azzawajal que la seule excuse pour celui qui faisait ou qui disait de la mécréance, c'est qu'il soit sous la contrainte. Ouais. Ce verset est descendu dans quelles circonstances? قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وهكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة. انتهى كلامه رحمه الله. العوفي rapporte d'Ibn Abbas que ce verset est descendu sur Ammar ibn Yasir au tout début de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les mouchriquins l'avaient pris et ils l'avaient torturé. Ils l'avaient torturé afin qu'il mécroie en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sous la torture, il a mécru à Mohammed, c'est-à-dire il a été en accord avec eux, en apparence, et il est venu ensuite, quand ils l'ont relâché, s'excuser à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et Allah, il a fait descendre ce verset. C'est pour lui dire, quand tu es dans cet état-là, tu n'as pas mécru. Si ton cœur, il est rempli de la sérénité de la foi. D'accord? قال البغوي في تفسير هذه الآية وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل. البغوي رحمه الله يدي dans son تفسير connu. Comme quoi, les ulama sont unanimes. Ijma, ici. Ijma, il dit, les ulama sont unanimes que celui qui subit la contrainte pour qu'il prononce une parole de mécréance, il lui est permis de dire la mécréance par sa langue. S'il dit cette mécréance sans la croire. S'il refuse de dire cette mécréance jusqu'à ce qu'il soit tué, cela est mieux. Si, si, il y a ijma. Il y a ijma ici, fi ijma an al-akhd bil azima ahsan min al-rukhsa. Le fait de prendre l'aspect le plus dur, on va dire, le fait d'être tué en refusant de dire la mécréance, c'est mieux que de dire la mécréance sous la contrainte. Voyez? Mais c'est permis de dire la mécréance sur la contrainte. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه كشف الشبهات في التوحيد. Et le Cheikh Mohamed Abdel Wahab, à la fin de son épître Kashf al-Shubuhat, de son petit livre Kashf al-Shubuhat, les moments des confusions, il dit à propos du verset de la contrainte, pour du verset qu'on a cité, فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهِ فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهِ مِنْ هَاؤُلَا إِلَّا مِنْ أُكْرِهَا مَعَ كَوْنِي قَلْبُهُ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ. Allah n'a excusé que ceux qui étaient sous la contrainte, alors que leur cœur était plein de la sérénité de la foi. Il n'a excusé que cela. Il dit, « Amma ghayra hadha faqad kafara ba'da imani. سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره والآية تدل لا on traduit jusqu'à cela. Il dit donc ici, et Allah n'a excusé que celui qui a subi la contrainte, alors que son cœur est plein de sérénité, de la foi. Autre que celui-ci a mécru, après avoir eu la foi. Et ensuite, il explique qu'il ait fait cela par peur. Celui qui fait de la mécréance parce qu'il a peur des mécréants, qu'est-ce qu'il devient ? Kafir. C'est pas une excuse, c'est la contrainte qui est une excuse. Qu'il ait fait ça par peur, ou par duplicité, mudara, c'est-à-dire pour s'attirer leur faveur, on va dire. D'accord ? Pour s'attirer leur faveur. Ou par amour de son pays, mashahatan biwatanihi, par amour pour sa patrie, d'accord? De sa famille, de sa tribu, de son argent, qu'il ait fait sans plaisantant ou autre, ou pour d'autres motifs, sauf celui qui est contraint. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là, s'ils font du kufr, ils deviennent kufar. D'accord? De même, à notre époque, ceux qui font ça pour al-maslaha, maslahat al-da'wa, ceux qui rentrent dans les parlements du shirk, pour soi-disant appliquer la charia par la suite. Ils ne sont pas excusés. Ça, toutes ces paroles qu'on vient de citer, d'Ibn Kathir, de Baghawi, de Mohammed ibn Abdul Wahhab, on peut citer des paroles de Moutaymi et d'autres, c'est une preuve que ces gens-là, ils deviennent mécréants. Ils rentrent dans les parlements de shirk pour soi-disant appliquer le tawhid. Et on voit parmi des gens, al-Asaf, à notre époque, surtout à la fitna qui s'est passée en Égypte, et Allah, il leur a montré des gens qui ont des livres qui parlent de tawhid, qui ont écrit des livres sur le tawhid, sur l'absence de l'excuse de l'ignorance dans le shirk, par exemple, et qui sont tombés dans cette fitna de shirk, en quoi? En participant aux élections en Égypte, ou en appelant les gens à y participer, et on ne citera pas de nom. Alors qu'ils connaissent ces paroles-là, ils enseignent des fois certains shubuhat ou les livres comme ça, comme Kitab al-Tawhid. Subhanallah, Muqallib al-Qulub. On glorifie Allah Azza wa Jalla, celui qui tient les cœurs. On asse Allah Azza wa Jalla, on demande Allah qui nous affermisse dans son dîn. Amen. Wa l'ayatu tadul ala hadha min jihatayn. Al-oula, qawluhu ta'ala illa min ukriha, falam yastathni Allahu illa al-mukrah. Et le verset, il montre ce qu'il vient de citer par deux aspects. Le premier, qu'Allah il a dit sauf ceux qui sont sous la contrainte. Donc Allah n'a fait une exception du fait de tomber dans les mécréances que pour celui qui est contraint. Que pour celui qui est contraint. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. Et le deuxième aspect, c'est quoi? Car Allah Azza wa Jal, il a dit après dans le verset, c'est très important. Il a dit, ولكن, après qu'il a dit, ولكن من شرح بالكفر صدرا, quant à ceux qui ont ouvert leur foi à la mécréance, c'est-à-dire ceux qui ont fait la mécréance sans être sous la contrainte, فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Ils auront la colère d'Allah et un châtiment. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. Cela, car ils ont préféré la vie d'ici-bas. Sur quoi? Sur la vie de l'au-delà. Donc ici, la cause du kufr, comme il va dire le Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, c'est quoi? Il dit quoi? فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب اعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر. Il dit, il a expliqué que la cause de la mécréance et du châtiment, ce n'est pas la croyance, le fait qu'ils aient la croyance du kufr dans leur cœur. Ça, c'est une réponse à l'jahmiya, à l'murji'a, à notre époque. Ou al-bughd lid-din, ils ne détestent pas non plus le din. C'est pas non plus ça. Ou mahabbat al-kufr, ou l'ignorance, pardon. Ou al-jahl, ou l'ignorance. C'est même pas l'ignorance la cause de la mécréance. Ici aussi, il montre que la mécréance, ça peut être par ignorance, ou le fait de détester le din, ou le fait d'aimer la mécréance. C'est pas ça qu'il a cité dans ce verset-là. C'est pas ces causes de mécréance qu'il a cité. Il dit quoi? إِنَّمَا سَبَبُهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظًّا مِنْ حُدُودِ الدُّنْيَا فَآثَرَهُ عَلَى الدِّينِ. Et la cause de tout cela, c'est qu'il avait un aspect de cette dunya qu'il a fait passer avant quoi? Avant le din. C'est-à-dire, cette mécréance, il l'a fait parce qu'il a fait passer la dunya avant le din. Et beaucoup de coffres, ils viennent de là. Beaucoup de coffres à notre époque, ils viennent de là. Ceux qui veulent le pouvoir, ou ceux qui veulent des intérêts de la dunya, par exemple, dans ces pays-là, dans ces pays-là, ces pays de kufr et de dalal et de djahl et de dhulumat, d'ignorance et de ténèbres, dans ces pays-là, les gens, ils font du kufr pour un petit intérêt de la dunya. Ils vont voter aux élections, UMP, PS, quoi que ce soit, pour une mosquée. Hein? Pour un petit intérêt de cette dunya. Pour un appartement, on sait quoi. Ça, c'est dans Kashf al-Shubuhat, c'est dans Majmou' al-Tawhid aussi. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في الدلائل فحكم الله تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه سواء كفر بفعاله وقاله أو بأحدهما دون الآخر وسواء كان طامعا في الدنيا ينالها من المشركين أم لا فهو كافر على كل حال إلا المكره. الشيخ سليمان ابن عبد الله ابتفيز محمد عبد الله بدي dans un livre qui s'appelle الدلائل l'épreuve l'alliance avec les associateurs حكم ولاة المشركين ou حكم ولاة أهل الشرك. Il dit Allah a jugé dans ce verset là sur la contrainte un jugement qui ne pourra jamais être changé, que celui qui laisse son din pour revenir vers la mécréance c'est un mécréant, qu'il ait fait cela par peur pour lui-même, pour son argent ou pour sa famille, qu'il ait fait cela en mécréant par son cœur ou par ses membres, ou par ses membres sans son cœur, hein? Qu'il ait fait de la mécréance par son acte ou par sa parole, ou par l'un sans l'autre, qu'il ait fait de la mécréance par amour pour la dunya, qu'il voulait obtenir des mouchilkines ou non, cette personne-là est un kafir dans toutes ces circonstances-là, sauf celui qui est sous la contrainte. Il explique le cheikh, je traduis en résumé, montrer qu'il n'y a pas d'excuse si ce n'est la contrainte. Ça, c'est dans Dor al-Saniya, le volume 8, en page 131. C'est aussi dans le même texte. L'ikrah, on l'a vu. Dans le Sabab al-Nuzul, c'est quoi? Le meilleur exemple de l'ikrah, c'est la torture qu'il a subie Amma. D'accord? La torture ou la peur de la mort. Et certains, ils ont fait rentrer aussi la prison comme une contrainte. Une fois que la personne est là en prison, il est sous la contrainte. Comme il dit Ibn Qudam, rahimahullah, dans le Mourni, il dit, وَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ نَتَقَى بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَكَانَ مَحْبُوسًا عِنْدَ الْكُفَّارِ وَمُقَيَّدًا عِنْدَهُمْ بِحَالَةِ خَوْفٍ لَمْ يُحْكَمْ بِرِدَّتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي الْإِكْرَاهِ وَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ كَانَ آمِنًا حَالَ نُطْقِهِ بِهِ حكم بردته في المغني المجلد الثاني عشر صفة 25 أو 100. ابن قدامة رحمه الله يدي à propos de l'apostat, s'il est établi, s'il y a une preuve que la personne a prononcé la parole de mécréance alors qu'il était prisonnier chez les mécréants et qu'il était attaché chez eux en état de peur, on ne jugera pas de son apostasie. Et là, c'est une excuse, d'accord? Ça devient une excuse. Car cela est apparent comme une contrainte, comme étant une contrainte. C'est dans le Mourni, le volume 12, la page 125. Mais même si la personne il est sous la contrainte, même s'il est en prison, même s'il est sous la torture, ou qu'il craint pour sa vie, الإكراه لا يبيح الإضرار بالمسلمين. الإكراه, la contrainte, ça ne rend pas permis de faire du mal à un autre musulman. Faire du mal à un autre musulman, ça signifie bien sûr le tuer, c'est l'exemple qu'on va citer, mais aussi le dénoncer par exemple. C'est-à-dire que la personne, même s'il est sous la contrainte, par exemple sous la contrainte de la prison, il n'a pas le droit de dénoncer ses frères musulmans et de leur causer du tort. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit dans Jama' al-Hikam, وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ مَعْصُومٍ لَمْ يُبَحْ لَهُ وَيَقْتُلَهُ فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل وهذا إجماع من العلماء المعتد بهم. Ibn Rajab رحمه الله, il dit les ulama sont unanimes que celui à qui on force à tuer une personne dont la vie est sacrée, il n'a pas le droit de le tuer même s'il est sous la contrainte. Il n'a pas le droit de tuer même s'il est sous la contrainte, car s'il le tue à ce moment-là, c'est par choix pour se sauver lui-même, c'est plus de la contrainte. C'est pour se sauver lui-même. qui disent cela, c'est un ijma. D'accord? Et cet ijma, elle s'applique aussi à ceux qui disent, par exemple, ouais, j'étais sous la contrainte, alors j'ai dénoncé les frères. Ou j'ai combattu les frères, il y a carrément pire, comme ils disent certains. Ou je suis rentré dans les armées des Tawarid pour un combat, ou j'ai espionné quoi que ce soit. Il n'y a pas de contrainte dans ça. Il n'y a pas de contrainte dans ça. Là, t'as préféré ta petite vie à toi, ou ta sécurité à toi, sur la sécurité de tes frères. Il n'y a pas de contrainte dans ça. C'est dans Jam al-Ulum al-Hikam, à la page 512. وكذلك من قاتل في صف الكفار مكرها قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه المساله quant à celui qui combat dans le sentier ou dans l'armée des mécréants tout en étant sous la contrainte. D'accord, ça on l'a déjà cité sur la parole de Mohammed Abdel Latif. Nous aussi, une personne, il est dans l'armée des kuffars ou muslimin et mouahidin et mujahidin particulièrement, il y a l'armée des kuffars devant eux. Ils peuvent pas faire de différence entre celui qui est sous la contrainte ou pas. D'accord? Celui qui est sous la contrainte, il se peut qu'il soit excusé. Mais ça sera où? Dans la dunya, Allah, il nous a pas chargé de faire la différence. Comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans le fatawa, wa nahnu la na'lam al-mukrah, wa la naqdiru ala al-tamyiz, fa idha qatalnahum bi amrillah, كنا في ذلك مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين أما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين وهذا في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 47 و 500. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, à son époque, quand il y a eu des guerres entre l'armée des Tatars, des Mongols, des apostats et des schismes des muslimines, il y a des gens qui ont dit on peut pas les combattre parce qu'ils forcent les muslimines à combattre avec eux. Ils les mettent sous la contrainte. D'accord? Ibn Taymiyyah, il a une longue fatwa, on en cite juste un passage où il dit, et nous ne pouvons pas savoir qui est sous la contrainte. Et nous ne pouvons pas faire la différence entre celui qui est sous la contrainte et qui ne l'est pas. Si nous les combattons par l'ordre d'Allah, nous serons récompensés et excusés. D'accord? Et si eux, ils sont tués, ils seront selon leurs intentions. S'ils étaient vraiment sous la contrainte et qu'ils n'ont pas réussi à s'enfuir, ils seront ressuscités selon leur intention au jour de la résurrection. Et s'ils sont tués pour établir le din, cela ne sera pas pire que ceux qui sera tué parmi les Moudjahidines. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Moudjahidines aussi, ils meurent au combat. D'accord? Et ils sont où? Shuhada, Inch'Allah, martyrs. De même pour ceux qui sortent, Inch'Allah, Mukrahim, qui sortent sous la contrainte. Et il dit au début de cette fatwa, on l'a pas cité, il dit, وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تطرسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تطرسوا بهم. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est très important à notre époque, ça permet de comprendre beaucoup de choses à notre époque. Il dit, les ulémas sont unanimes que si l'armée des mécréants prend comme bouclier des prisonniers musulmans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant l'armée des mécréants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des musulmans en bouclier comme ça pour pas que les musulmans ils les attaquent. D'accord? Il dit, dans ce cas-là, si les musulmans, c'est-à-dire l'armée des moudjahidines, ils ont peur que cela amène un mal, ils ont le droit de tuer ces musulmans. Ils ont le droit de tuer ces boucliers pour combattre le kuffar. Même si cela implique, ils ont le droit de combattre, même si cela implique la mort des musulmans qui ont été pris comme boucliers. Vous avez compris? Ça, c'est dans Majmou al-Fatah, la page 28, la page 547. Aujourd'hui, ce qu'ils font, Adad-Din, c'est qu'ils se mélangent aux musulmans pour que les musulmans ils ne puissent pas les combattre. Hein? Ils ne puissent pas établir le tawhid sur la terre. Et là, alhamdoulilah, on a la réponse d'Ibn Taymiyyah sur cette question-là. C'est une question contemporaine. Ensuite, il finit le cheikh en disant « Wa kulluha » من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. Il conclut en disant, et toutes ces annulations, pourquoi il les a citées, ces 10 annulations, et ça on l'a cité au début, elles sont extrêmement dangereuses. Et elles sont extrêmement répandues. C'est pour ça qu'il les a citées. À cause du fait qu'il y a ijma' sur ces 10 annulations, et qu'elles sont extrêmement répandues parmi les gens. Et il faut que le musulman il fasse attention, et qu'il craigne pour lui-même. Et on demande à Allah qu'il nous préserve de ce qui implique sa colère et de son châtiment douloureux. Amin. Le fait qu'elle soit extrêmement répandue, et on conclut sur cette question-là, le fait qu'elle soit extrêmement répandue, ces annulations de l'islam, et vous le voyez autour de vous, au fur et à mesure que vous avez étudié ces annulations de l'islam, vous avez, ça devient clair autour de vous, le shirk, comment il s'est répandu parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, ça a été prédit, et ça a été annoncé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afdal al-khalq, lorsqu'il dit, « An Thawban, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان رواه أبو داود. Et Abu Daoud il rapporte dans son Sunan numéro 4252 bisnad sahih, Thawban il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté me rejoignent les mushrikines. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous les grands groupes de musulmans qui ont rejoint les mushrikis. Ils ont émigré vers leur terre. Ils sont rentrés dans la religion démocratique. Ils les ont pris comme alliés dehors des musulmans. Hein? C'est l'application de ce hadith-là. Et ensuite, il dit, حَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ jusqu'à ce que des groupes ou des tribus de ma communauté n'adorent les idoles. Regardez-les adorer les tombes. Regardez-les adorer les constitutions forgées des satyres. Donc ce hadith, il est clair, où il nous indique là, le fait que le shirk soit répandu à notre époque à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. تم بحمد الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه ويرزقنا الجنة جنة الفردوس الأعلى وينصر الدين